Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier consacré à bien sur un zoom en fait sur deux équipes qui ont notablement animé le marché des transferts durant l'intersaison. Les deux grosses équipes qui se posent vraiment en véritable armada pour les grands tours. Aujourd'hui, nous allons faire le match entre Ineos et la Lotto Jumbo. La Jumbo Visma maintenant. Oui, c'est vrai, c'est depuis un an. Alors, pour cette émission un peu particulière, cette pastille d'intersaison, on retrouve Greg. Salut tout le monde. Benjamin. Bonsoir tout le monde. Grégory. Salut tout le monde. Et enfin Daniel. Salut tout le monde. Et bonjour à vous, cher commissaire. Voilà, oui, c'était un sujet dont on voulait parler déjà depuis un petit moment. Hein. Nous avions là depuis déjà un an évoqué ce sujet lors d'une pastille précédente lors de l'intersaison 2018-2019 en ayant annoncé la Lotto Jumbo à l'époque comme une des équipes pouvant concurrencer la Sky sur son terrain. Ces deux équipes ont maintenant quelque peu changé de sponsor. La Sky est devenue Ineos, l'Auto Jumbo est devenue Jumbo Visma. Et entre-temps, elles se sont encore renforcées, on pourrait dire, par rapport à l'année précédente. Et on se retrouve là avec deux armadas qui se font face à face pour les grands tours et qui se posent clairement comme les deux grandes équipes, on va dire, pouvant donner le ton sur les grands tours et particulièrement, bien sûr, sur le Tour de France. Alors, on va voir un peu au détriment de qui tout ça s'est opéré. Mais surtout, ce que je voudrais, c'est que l'on fasse un petit passage en revue de ces deux équipes et que l'on voit un peu leurs forces et leurs faiblesses. Et qu'avec vous, cher commissaire, on puisse un peu ben finalement essayer de faire le tri et de voir, selon vous, laquelle des deux, éventuellement, finalement, paraît mieux armée que l'autre, peut-être pour dominer les débats. Voilà. Je ne sais pas, Daniel, si tu veux peut-être commencer par nous faire un petit tour d'horizon des principaux transferts de la Jumbo, pour commencer. Oui, alors du côté de la Jumbo, il y a eu premièrement un très gros transfert avec l'arrivée de Tom Dumoulin qui a donc cassé son contrat avec la Sunweb pour rejoindre l'autre équipe néerlandaise. Il y a eu également deux jeunes, Tobias Foss, donc le Norvégien qui vient de remporter le Tour de l'Avenir, et Chris Harper qui a l'air d'être un bon grimpeur australien qui a fait pas mal de résultats sur les circuits exotiques cette année, je crois. Je compare peut-être avec la team Ineos de leur côté, ils ont perdu Pouls, ce qui n'est quand même pas, et De La Cruz, qui sont quand même deux coureurs pas mal pour les grands tours, mais bon, pas non plus Tony Truant, surtout cette année. Et eux, ils ont recruté Richard Carapaz, donc c'est le vainqueur sortant du Giro. Donc là, c'est aussi une grosse recrue à mettre en balance avec Tom Dumoulin de l'autre côté, je pense. Oui, d'un côté, effectivement, on a Carapaz, de l'autre Dumoulin, deux anciens vainqueurs du Giro. C'est deux grands noms qu'on peut retenir sur ces transferts. Alors, apparemment, il semblerait que nous soyons en direct alors que ça n'était pas prévu, les enfants. D'après ce que je vois, d'après le message de notre cher Kassai Freter, qui arrive à discuter avec nous sur le chat. Forcément direct. Je cherche le direct, mais je ne le trouve pas. Donc, bon, c'est un peu bizarre. Je le trouve. Toi, tu le vois. Oui. Moi, j'y suis même de suite. Erreur, je fais coucou. Tu peux nous faire même un petit coucou en direct. D'accord. Donc, c'est effectivement le cas. Je te vois aussi en direct, Benjamin. Donc, c'est que nous n'avons pas réussi à faire. Ouais, c'est pas grave, maintenant on est lancé. On y va. Allez, on est lancé. Bon, on est là. Voilà, on va faire avec. Il faut s'adapter avec les oreillettes. On y va. Oui. On pensait enregistrer tranquillement de notre côté. On se retrouve en direct. Mais bon, on en a vu d'autres. On est plus à ça près. Grâce à notre chauve Dave Brailsford à nous qui mène de main de la technique, ouais. On va bien s'en sortir. Bien sûr, aucun problème. Bon, on essaiera de corriger ça pour les prochaines fois. En attendant, maintenant qu'on est lancé, Voilà, on va pas s'arrêter. Allez, on reprend. On reprend, voilà, exactement. Pardon. Daniel, tu avais fini, pardon, excuse-moi du coup. Oui, j'ai fait le tour des Oui, transferts. Je vous laisse enchaîner. voilà, bah Bah, alors, d'ailleurs, bah justement, pour les Benjamin, vas-y. transferts, ouais, on remarque de toute façon quand on regarde les équipes qu'il y en a une équipe qui continue plus ou moins sur la même lignée avec, on va dire, des âges divers et variés, ça serait plutôt la team Jumbo-Visma, qui fait qu également un peu office d'outsider, puisqu'on rappelle que la team Ineos sur les grands tours, puisqu'on parle surtout des grands tours, l'adversaire qu'on lui désignait, c'était tout le temps la Movistar avec le trio Quintana, Valverde et Landa. Oui. Sauf que la team Jumbo a aujourd'hui dans ses rangs un vainqueur de grand tour à la présence de Primoz Roglic. Un deuxième coureur qui a été recruté, Tom Dumoulin, qui sort d'une saison blanche, mais qui en a gagné un. Et par contre, on voit que la team Ineos, on en reparlera sans doute tout à l'heure, vise plutôt de réduire l'âge de son effectif, avec notamment le recrutement de Carlos Rodriguez, qui est un très jeune coureur. Si on regarde les effectifs, bon, il y a Carapaz qui arrive donc chez Ineos. La question que je me pose tout de même chez Ineos, c'est avec la perte de Wout Poels, qui était quand même exceptionnel en montagne, sur les trois grands tours, augmentation d'effectifs, mais est-ce que sur le seul Tour de France, on n'a pas une stagnation, voire peut-être une régression, notamment avec Chris Froome, qui va être un très gros point d'interrogation, par rapport au niveau de la team. Oui, bah vas-y, pour rebondir dessus, c'est vrai que la vraie interrogation, ça va être la compo de ces équipes-là. Je pense qu'on est tous impatients de savoir quel va être le calendrier de ces deux équipes. Est-ce qu'il y aura qui va être. Alors, Froome sera leader sur le Tour de France, ça paraît évident, mais il est fort probable qu'il y ait aussi Bernal, même si pour l'instant il y a l'hésitation. Et c'est Attends, vrai que la attends. question. Tu dis que ça va être évident, Chris Froome. Ça va dépendre le niveau qu'il va afficher Bon, sur ben, il y ses sera au premiers moins. Est-ce temps. que ça sera le seul leader? Non, moi je pense qu'il y aura Bernal et que Bernal deviendra le leader naturel. Mais Froome sera au départ du Tour de France. Moi, ça me paraît évident. Ouais, je suis d'accord aussi, parce qu'il y a quand même 5 Tours de France dans la besace, c'est pas négligeable. Puis Bernal, c'est le vainqueur sortant, et je pense que les autres vont s'entendre pour faire le Giro. Oui. Oui, on a perdu Max. Non, non, Oui, non, non, tu. je suis toujours là, excusez-moi, hein, j'essaie encore de corriger certains soucis. Le problème, effectivement, l'interrogation, en tout cas, sur Chris Froome paraît légitime, hein. On n'a pas encore eu vraiment de retour sur sa condition depuis son accident, la façon dont il s'est remis. Pour l'instant, il règne un flou assez artistique. Néanmoins, on a une équipe derrière qui, même sans Chris Froome, semble apporter des garanties. Mais on a déjà vu cette année, c'est vrai, une Ineos moins impériale sur le Tour de France. Même bien que, pardon, il termine aux deux premières places, est-ce que, ben, par exemple, Oui, mais Dura. attention parce que c'est un Tour de France très particulier avec deux étapes, les deux dernières, où généralement les deux dernières étapes de montagne, c'est souvent là où on voit les grosses défaillances ou pas, puisque ça arrive au bout de 3 semaines, qui ont été totalement amputées. Hein. Il n'y a eu que l'Isran sur l'étape que Bernal ben, finalement gagne, mais l'Isran venait de lancer la course et il y avait très peu de kilomètres, puisque c'était une étape très courte. Et alors, on ne va pas reparler de Val Thorens, où là, on a 50 km. C'est rien, quoi. Donc, c'est vraiment un Tour de France spécial. Thibaut Pinot était très en forme. Il y a beaucoup de choses qui font que ce doublé, finalement, laisse une moins bonne impression que les précédents Tours de France. Oui, c'était assez paradoxal. Toutefois, on avait quand même l'impression, à ce moment-là, c'était un peu difficile de secouer le cocotier, même pour une équipe comme la Jumbo-Visma. Daniel, est-ce que tu partages un peu cette impression sur ce dernier Tour de France? Ouais, c'était un peu un petit Tour de France, surtout avec la fin. Bon, on a déjà discuté longuement, je pense. Quand on regarde un peu avec du recul, du coup, l'effectif Ineos pour 2020, bon, pour les grands tours, ils sont quand même 4 vainqueurs de grands tours dans leur rang. Enfin, je pense que c'est du jamais vu. Enfin, je suis pas un historien du cyclisme, mais ça me semble être assez incroyable, quoi. Donc, au niveau des leaders, bon, peut-être qu'ils sont plus autant en forme qu'il y a un ou 2 ans, notamment pour Froome. Froome ou Thomas. Mais bon, en tout cas, c'est très costaud. Ensuite, par contre, c'est vrai que derrière, bon, c'est pas que c'est devenu faible, mais ça me semble un peu moins consistant qu'auparavant, peut-être. Je sais pas, on va dire en second rideau. Qu'est-ce que vous en Ah, pensez? pas tellement parce que Poulsen n'a pas fait non plus sa meilleure année l'année dernière et ma foi un Sosa, même un Théo Guéguenhardt, enfin je pense que même Dunbar ou des Sivakov quand même, je pense que c'est quand même pour un grand tour, c'est quand même ils peuvent jouer le rôle d'équipier solide. Hein, donc je me fais pas trop de soucis pour Ineos. Castroviro était pas mal blessé cette saison aussi, donc je me fais pas vraiment de soucis pour eux, je suis pas trop inquiet de ce point de vue-là. Je suis plus inquiet sur l'ambiance entre eux, comment ça va se passer la répartition entre les grands tours, s'il y aura forcément des déçus, que pour eh bien que pour ça. Alors, si on regarde du point de vue simple des leaders, d'un côté on a donc Roglic, Dumoulin, Kreuzweg, de l'autre Bernal, Carapaz, Thomas et Froome, on va dire, hein, en se limitant vraiment aux leaders potentiels sur les qui peuvent légitimement donc jouer le général sur les grands tours. Est-ce que vous voyez, comment dire, un avantage du côté d'une équipe ou de l'autre, Grégory? Un avantage pas forcément parce que peut-être un avantage psychologique on va dire pour Ineos qui a gagné quand même la plupart des Tours de France précédents mais après on a aussi Chris Froome qui sort d'une saison blanche qui est blessé on sait pas à quel niveau il va revenir et à voir comment seront organisées les saisons des uns et des autres chez Ineos pour savoir déjà qui sera exactement sur le Tour de France, si on va sacrifier les ambitions personnelles de certains pour mettre l'équipe ultime sur le Tour, si on mettrait des Thomas, des Froome, des Bernal ensemble même avec Carapaz ensemble sur le tour, ça paraît beaucoup et risqué, mais pourquoi pas? Enfin, je veux avoir qui exactement sera mis sur le tour, sur le Giro, même pas sur la Les Vuelta plus déclarations tard, de quoi. Bernal là-dessus sont assez sibyllines, hein. Il semble toujours jouer le jeu de l'équipe en disant qu'il est prêt à se donner pour Froome si celui-ci est à 100%. Il a bien précisé si celui-ci est à Ouais. 100%. Oui, Greg? Mais c'est quoi qu'on appelle ça 1%? Là, non mais enfin, on a beaucoup parlé d'Ineos, mais la question va se poser aussi sur la Jumbo Visma. La question que je me vois, est-ce qu'ils vont envoyer Roglic et Dumoulin sur le Tour de France? De manière à concurrencer et à inquiéter un peu Ineos, pour moi la vraie question elle est là. Oui, et puis t'as C'est que Kreuzweg voilà. qui est pas forcément prêt à abandonner le rôle de leader quand tu vois comment il a été sur le Tour de France 2018, dans les Pyrénées, dans le Soulor. Effectivement. Hein? Mais voilà, est-ce que Jumbo ils vont faire aussi all-in sur le Tour de France ou est-ce qu'ils vont un peu répartir leurs forces? Ça va être la question. Ben, je pense que Roglic-Dumoulin, ça peut bousculer Ineos. Ça changerait tout et ça, à mon avis, forcerait Ineos à plus jouer sur Bernal, qui me semble donner beaucoup plus de garanties que Froome. Oui. Je pense qu'il y a, Mais ça, bousculer pour bousculer Ineos, il faudra les deux Roglic-Dumoulin. je te rejoins, Greg, parce qu'autant chez Ineos, je trouve que la répartition peut se faire quand même assez simplement avec Geraint Thomas et Carapaz qui ont un peu moins d'importance dans l'effectif on vient d'en parler pendant déjà 10 minutes. Chez Jumbo, avec Dumoulin qui vient d'arriver, qui atteint, et Roglic qui vient de remporter la Vuelta c'est plus ses troisième ou quatrième sur le Giro. Je pense que les deux veulent viser le Tour de France. Ils atteignent bientôt les 30 ans. Ils ont entre guillemets pas des années à perdre à aller à droite à gauche. Donc, je pense que les deux veulent aller au Tour de France. Et comme tu le disais, s'ils veulent aussi un peu pousser Ineos dans leur retranchement, c'est peut-être dans l'intérêt de l'équipe de les envoyer tous les deux. Oui, effectivement, avec également de bons lieutenants qui pourront peut-être éliminer les meilleurs équipiers d'en face, si possible. Oui. Est-ce que vous pensez quand même que le parcours de des différents grands tours, hein, on connaît déjà celui du Giro et du Tour de France dans leurs grandes lignes, vont quand même, pardon, avoir une importance pour la répartition, on va dire, des leaders? Parce que d'un côté, on a quand même chez Jumbo notamment, Roglic et Dumoulin qui ont des profils très très similaires, c'est-à-dire ce sont deux bons grimpeurs, mais surtout qui sont capables, eux, de faire la différence par rapport à d'autres sur le contre-la-montre. Grégory? Oui, mais pourtant, je pense qu'ils seront quand même alignés sur le Tour de France en priorité, alors que pourtant, Oui, c'est on assez pourrait paradoxal. imaginer que le parcours du Giro leur convient mieux. Après, Dumoulin, bon, déjà, une première chose, il va falloir qu'il se remette au niveau qui était le sien après une saison compliquée. Et ensuite, lui a déjà remporté le Giro, donc il doit avoir un autre challenge en vue. Et quant à Roglic, je pense que lui aussi veut vraiment sa chance sur le Tour de France dès l'année prochaine. Et pour ça, il va falloir qu'il ne fasse pas le Giro. Un Giro qu'on pourra éventuellement confier à Kreuzweig chez Jumbo-Visma, je pense. Lui qui aime bien lui qui est souvent à l'offensive quand il a un peu les rênes de l'équipe et qui a fait des progrès également en contre-la-montre, je pense qu'il peut tenir le leadership, pas forcément pour gagner, mais pour viser le podium sur le Giro. Greg, c'est aussi ton impression finalement qu'on risque de retrouver les gros leaders quand même sur le Tour de France malgré leurs points forts sur le contre-la-montre? Oui, c'est aussi un petit peu mon espoir pour rajouter un peu de suspense au Tour de France. Je pense que Bernal, si on serait plus fort, surtout vu le parcours. Hein, avec seulement le dernier contre-la-montre, il finit à la planche des belles filles. Je pense que c'est quasiment un profil idéal pour Bernal. Mais moi, je me pose la question, lequel de ces coureurs, que ce soit d'une équipe ou de l'autre, est capable d'arriver à terminer en solitaire sur les étapes de montagne, sur les différents tours? Autant sur le Giro, il y a plusieurs contre-la-montre pour faire une certaine différence et ensuite utiliser la puissance collective de l'une ou de l'autre formation pour assurer cet avantage. Autant sur le Tour de France, le contre-la-montre arrive en dernier. C'est un contre-la-montre très spécial. Est-ce que par exemple, on peut imaginer un Froome qui serait maillot jaune avec tout ce qui lui est arrivé ces dernières années? En plus, il change de régime alimentaire puisqu'il devient végan. Est-ce que vous le voyez honnêtement arriver avec de l'avance, une avance suffisante sur le contre-la-montre pour être à peu près sûr de s'imposer? Moi, je Non. suis pas tout à fait d'accord. Alors que Bernal, je pense qu'il peut apporter plus de garanties. Et encore, par rapport au parcours du Tour de France, si on regarde les différentes étapes, les arrivées qu'il y a, hormis la montée de la Lauze ou le Grand Colombier, c'est pas dit. Donc c'est difficile. Et encore une fois, quand je regarde les effectifs, par exemple, on n'a pas parlé chez Sky de Pavel Sivakov, tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment un effectif qui est capable d'écraser la course par rouleau compresseur? Ou est-ce qu'ils ne vont pas tenter plutôt une course offensive comme on a déjà vu Ineos le faire? C'est ma grande interrogation. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde le profil des différentes formations, et notamment par rapport au contre-la-montre, ben, l'équipe que je verrais plus faire un train pour dégoûter les autres et finir comme on a vu les dernières années Ineos, enfin, Sky le faire, c'est plus la team Jumbo-Visma. Parce que je les vois supérieurs, et je dirais même bien supérieurs à leurs adversaires britanniques sur le domaine du contre-la-montre, là où on creuse de véritables écarts. Ah, C'est vrai. Daniel, tu C'est vois vrai qu'il aussi. y a quelques Pardon, il y a vas-y, vas-y. quelques années, Froome était, disons, largement au niveau de Dumoulin ou Roglic sur ce type de contre-à-la-montre. On parle bien de celui de la planche des belles filles hein, autour de France. C'est vrai que comme tu as posé la question, Benjamin, c'est vrai que maintenant, peut-être la tendance est quand même inversée et il faudrait que Froome ait, bon, je vais dire, au moins 30 secondes d'avance pour être, disons, un peu sûr de pouvoir remporter le Tour de France. Et c'est vrai que ce ne sera pas évident de l'avoir, cette avance, parce qu'il faut trouver des occasions de creuser les écarts. Bon, on a parfois vu les Sky creuser les écarts, ne serait-ce qu'en 2018, avec Geraint Thomas qui arrivait à larguer les adversaires une ou deux fois dans le dernier kilomètre. Mais on a quand même plus l'habitude de voir ces 3, 4, 5 grands leaders des différentes équipes arriver ensemble ou presque dans le même temps. Il y a quand même rarement des gros écarts et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'étapes qui s'y prêtent, en tout cas au niveau des arrivées au sommet. Peut-être que c'est du coup. Si on regarde le Tour de France de l'année dernière, désolé, j'ai coupé quelqu'un qui Ah était en ouais. train de parler. Et vas-y. Si on regarde le Tourmalet, Bernal termine derrière avec Burman derrière Kreuzweig. Avec Kreuzweig, Team Jumbo. Kreuzweig qui éclate Bernal d'ailleurs sur le contre-la-montre. On regarde l'arrivée au Prat d'Albis. Là, Bernal est encore battu, il finit encore avec Burman. Et là, en effet, il creuse un petit écart avec Kreuzweig, mais c'est pas non plus exceptionnel. Il n'y a que dans l'Isran où il lance une course de loin, mais encore une fois, on sait que l'Isran, c'est assez compliqué. Je dis pas que c'est pas un bon grimpeur, hein, loin de là, qu'on soit d'accord. Et il y a le Galibier, mais encore une fois, on est sur des courses où on ne sait pas ce qui se serait passé si les coureurs avaient su que les étapes allaient être à ce point rabotées. Donc c'est comme Bernal est certes le meilleur grimpeur, mais de là à reprendre, la planche des bénéfices, c'est avantage Bernal, mais tout ce qui est avant, moi je dis un Roglic, voire même un Pinot, va être compliqué à battre. Hein. Mais il J'ai reste pas le plus dit. fort de son équipe, à mon avis, pour ce profil, enfin, pour vu les profils du tour. Oui, par rapport à la saison 2019, oui. Oui, bah après, effectivement, on a Roglic qui sort d'une saison exceptionnelle. On va avoir un Dumoulin peut-être aussi un peu revanchard hein, après tous ces ennuis de santé l'année dernière. Après, certains coureurs ont une histoire avec les différents grands tours. Hein, par exemple, Kreuzweig, peut-être a une histoire à terminer peut-être avec le Giro. De même que Roglic, lui, bien, il a raté le podium du Tour de France sur la dernière étape, donc en 2018. Il termine au pied du podium. Voilà, on a aussi, je pense, peut-être on va dire les intérêts des uns et des autres qui vont rentrer en jeu en fonction de leur histoire avec ces grands tours. Ça peut-être aussi, comment dire, un peu changer la répartition des leaders. Ou vous pensez que c'est quand même le prestige du Tour de France qui va décider de l'ensemble, selon vous, de manière générale, Grégory? Moi personnellement, je pense que c'est avant toute chose le prestige du Tour de France qui Ouais. et les circonstances qui amènent certains coureurs à viser le Tour de France en termes d'âge notamment et de parcours de parcours et de résultats qu'ils ont obtenus dans leur carrière dans le passé. Et ça, c'est notamment le cas chez Jumbo-Visma. Et on sait que Ineos, de leur côté, a souvent privilégié, souvent voire toujours privilégié le Tour de France et uniquement le Tour de France. Oui, Mais du tu coup, il y en a vois. un dont on n'a pas beaucoup parlé encore dans cette histoire. Finalement, c'est Richard Carapaz, parce que vous le voyez tous aller sur le Giro, finalement, pour essayer de défendre son titre. C'est ce qui est annoncé, non? Il Oui. devait pas aller sur le Giro avec Bernal d'ailleurs. Voilà, alors après, est-ce qu'on le Mais retrouverait quand même parce sur que le Tour de France? il y a un truc qu'on oublie pour les nations, on va dire pour les petites nations olympiques entre guillemets, c'est qu'il y a les Jeux Olympiques derrière. Egan Bernal, il a gagné le Tour de France l'an dernier, il est encore jeune. Il n'a pas gagné le Giro. Il a un parcours qui peut l'avantager aux Jeux Olympiques. Est-ce que lui va vouloir privilégier le Tour de France, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, vainqueur du Tour de France sortant, c'est un peu lui qui va décider ce qu'il fait. Hein. Il Oui. a gagné une importance qu'il n'avait pas l'an dernier, malgré toutes les promesses qu'il abordait. C'est spécial cette année. Très spécial, il y a les championnats du monde. Les championnats du monde, c'est pas rien. Alors, c'est vrai que je sais plus qui le disait, la Sky, et donc aujourd'hui Ineos, a toujours privilégié à mort le Tour de France, notamment avec ses coureurs britanniques. C'est moins le cas avec les coureurs des autres nationalités. Et là, il y en a un autre qu'on a. Ah, oui, mais il y en a un autre. Tu parlais de Carapaz, dont on n'a pas parlé ou très peu. L'autre dont on n'a pas du tout parlé, qu'on considère aujourd'hui comme un coéquipier, rien de plus, c'est Geraint Thomas. Alors qu'il a quand même fait deuxième en arrivant sur le tour, peut-être pas avec la meilleure des préparations. Voilà, est-ce que ça risque pas de créer quand même un embouteillage tout ça et de jouer contre eux finalement? Alors, chez quelle équipe ça pourrait avoir le, comment dire, le, ça pourrait créer le plus de tension, chez Ineos ou chez Jumbo, Daniel? Ah, je sais pas, je pense que dans les deux cas, ça peut poser des problèmes, mais ça dépend un peu comment c'est géré. Mais je suis pas sûr que nous, on puisse avoir la réponse aujourd'hui. Peut-être d'ici un mois, lorsqu'ils auront déjà passé les premiers stages, les premiers rassemblements et les premières réunions, lorsqu'ils auront défini leur calendrier, là, on en saura déjà un peu plus. Et puis, il faut pas aussi oublier un élément, on va dire, les aléas, puisque souvent, il y a des coureurs qui veulent cibler les Giro et qui se cassent la gueule, pendant les premiers mois de la saison et qui modifient leur programme pour ensuite aller sur le Tour de France. Donc, à un moment donné, c'est bien beau de dire peut-être que X et Y vont aller sur le Giro, et puis en fait, X va y être tout seul, et Y va aller avec les trois autres sur le tour. Donc, les plans, c'est une chose, et puis ensuite, la réalité du terrain, souvent, ça se modifie un peu au dernier moment. Mais voilà, donc après, est-ce que ça répond à ta question? Pas vraiment, mais je pense que la problématique reste ouverte, restera ouverte jusqu'au départ de chaque épreuve, quasiment. C'est aussi votre avis, parce que c'est vrai que là on passe les leaders en revue, bon, sans connaître tout à fait exactement leur programme dans les détails, hein. Certains vont privilégier le Tour de France, mais est-ce qu'ils pourraient quand même faire le Giro en Ben, équipier ou... la question Max, c'est là on parle des leaders, mais un leader seul, et Berzin l'a bien compris alors qu'il avait dit qu'il pouvait gagner le Giro seul quand au Tour de France il s'est retrouvé vite esseulé, c'est rien sans ses équipiers. Et ses équipiers, très talentueux, les deux équipes, qu'est-ce qu'ils vont faire comme programme? C'est également ça, parce que on a parlé de leader, ok, mais il y a tout le reste là. Oui, justement, Pendant bah, la faudrait peut-être un saison, peu accélérer parce que viral là on a du positif, mal à avancer dans l'émission. travail, tout ça, ça va être. Ça aussi, ça va être intéressant comme Je voulais programme. évoquer avec vous, voilà, la qualité des équipiers de ces différentes équipes, hein, parce que du coup, on se retrouve avec un George Bennett, par exemple, qui, dans n'importe quelle autre équipe, pourrait jouer sa carte. Il se retrouve en équipier de luxe, par exemple. On a Lorenz de Plus qui a éclaté aussi cette année. On a vu également, par intermittence, mais un Sepp Kuss assez convaincant. Et toujours du côté de la Jumbo, eux récupèrent Chris Harper. De l'autre côté, on a quand même des équipiers qui ont déjà fait leurs preuves, comme Sosa ou Tao, Kwiatkowski, Ouais, bon, après Chris Harper, Dunbar, Sivakov. rien Voilà. que. Alors, du côté des équipiers, quelle équipe vous paraît la mieux armée? Bah vas-y, Benjamin, t'avais l'air Ben, chaud. en termes. Alors, je vais pas donner de réponse, je vais me donner deux éléments. D'un côté, la team Ineos est rodée au niveau des équipes, ils sont prêts à sacrifier. On se rappelle de Castroviro, Kwiatkowski, tout ça, ils sont prêts à mettre leurs ambitions de côté, et ça, on n'a pas encore vu trop de couacs, en tout cas sur le Tour de France. Après, sur le Giro, des fois, ils sont embarqués dans une chute collective, sur la Vuelta, ils se font piéger, mais sur le Tour de France, ça a l'air d'être bien huilé. Maintenant, la Sky, enfin l'Ineos, pardon, ils ont perdu Woodpulse, super équipier, ils ont gagné un leader, mais un leader fait pas forcément un bon coéquipier. Alors que la team Jumbo, je trouve que niveau équipier, niveau logique, serait peut-être plus fonctionnel. Mais encore une fois, à moins d'expérience, on a souvent badé la Movistar en disant ça y est, ils ont le trident, tout ça, et chaque fois ils se sont effondrés. Est-ce que la team Jumbo Visma va réussir à trouver cette alchimie qu'a déjà l'Ineos? Compliqué. Daniel? Je te rejoins, Benjamin, parce que c'est vraiment pas facile pour une équipe un peu novice dans le domaine de prendre les manettes d'un grand tour et de contrôler tous les jours. On s'en est un peu rendu compte pendant la Vuelta, où ils ont été quand même en difficulté à plusieurs reprises. Bon, peut-être justement la victoire finale leur a permis d'obtenir un peu le statut où ils sont plus respectés et moins inquiétés tous les jours. Mais bon, peut-être qu'il leur faudra une ou deux victoires en grand tour de plus pour vraiment atteindre, alors, disons, la même zone de confort que la Sky depuis pas mal d'années, où souvent on a un peu l'impression que personne ne cherche à les renverser. Et l'autre point, c'est aussi effectivement un coureur comme George Bennett. Bon, c'est peut-être le seul qu'on peut vraiment citer à ce niveau-là, c'est du côté de Jumbo. Lui, il n'a pas l'air vraiment d'avoir envie de se mettre dans un rôle de super équipier, disons, à la Woodpulse, pour prendre un comparatif. Lui, il aimerait bien être leader et du coup, l'embouteillage de leader fait qu'il perd un peu cette position-là. En plus, la fin du Tour de Californie, ça n'arrange pas non plus puisque c'était à peu près la seule course cette année où il a été leader. Donc, je sais pas trop si comment lui va le prendre et s'il va vraiment s'adapter à cette nouvelle donne. Oui, est-ce qu'on peut prendre la Vuelta comme bon exemple pour ce qu'a fait et pour ce que fera surtout la Jumbo en 2020, selon toi, Greg? Ben, avant moi, il y a une autre donnée qui est à prendre en compte dont on n'a pas parlé, c'est que la Jumbo a aussi dans ses rangs des coureurs au profil un petit peu différent. Oui. Autant la Lineos vise les grands tours et vise le Tour de France principalement, autant il y a Groenewegen qui va vouloir aussi gagner quelques sprints sur les grands tours et gagner quelques belles courses. Et la Lineos n'a pas ce type de profil. On peut même citer Van Aert. Alors on espère qu'il reviendra à son meilleur niveau. Mais c'est aussi un profil de coureur que voilà beaucoup plus complet, qui peut gagner sur des contre-la-montre, qui peut gagner des classiques, qui peut gagner des courses un petit peu vallonnées. Et Kwiatkowski alors? Eh bien la question est là, il sort d'une mauvaise saison, est-ce Est-ce qu'on a que déjà ça vu va tout Kwiatkowski un dans ce match? rôle lors d'un grand tour, Benjamin, finalement? Jusqu'à présent, en tout cas, ça Dans n'est quel jamais arrivé. sens? Il n'a jamais été C'est-à-dire franc-tireur. non, Il ne ça sera c'est sûr jamais. qu'il est équipier, mais est-ce que Van Aert sera franc-tireur s'il est avec ses leaders? Non. Mais par contre, il peut déclencher des faits de course dans des étapes vallonnées, là, un peu comme un profil comme Saint-Étienne, pardon, l'an dernier. Et là, ça peut mettre en difficulté. C'est dans ces profils-là, hein, que je pense qu'il peut y avoir une véritable décision. C'est compliqué. Le problème, c'est qu'on se base beaucoup sur 2019, avec les gros soucis qu'il y a eu pour les uns et pour les autres. Maintenant, quand je vois. Je termine pour les grands tours. Que ce soit aux équipiers ou pas, et encore on a oublié Pavel Sivakov, hein, qui a fait un Oui. super Giro. C'est, je pense que si sur le Tour de France, il n'y a pas Bernal en leader, ou si Bernal a déjà fait le Giro avant, je suis pas certain que Ineos est le coureur pour s'imposer. Que ce soit face à Jumbo-Visma ou face à d'autres, même si on sort un peu du débat. Alors que Team Jumbo, pour moi, ils ont deux coureurs qui peuvent gagner. C'est Roglic et c'est Dumoulin. Au top de la forme, bien sûr. Parce que Froome, je n'arrive pas à croire qu'il puisse revenir au niveau qu'était le sien. Et Geraint Thomas est vieux. Hein, quand on regarde l'âge des leaders, Kreuzweg 32 ans, Roglic 30, Dumoulin 29, Sky c'est Froome 34, Thomas 33. Je vois Carapaz. Je peux pas croire que Carapaz puisse gagner le Tour de France. Donc pour moi, c'est vraiment Bernal. Ouais. Oui, bon, c'est vrai que cette accumulation de vedettes d'un côté ou de l'autre, ça émoustille, ça donne envie, ça peut faire peur aussi, hein, parce que voilà, on a vu des grands tours parfois complètement anesthésiés hein, par la force collective de la Sky. Là, maintenant, on va se retrouver avec deux équipes un peu comme ça. Enfin, le Tour de France surtout, Ouais, pas les autres. c'est vrai, un peu Ça moins a les autres. toujours été Alors. le Tour de France, ça a jamais été les autres. Mais après, tiens, désolé, je rebondis sur autre chose, Max. Quand on regarde le recrutement des deux équipes, hein, je parle pas des équipes déjà en place, je parle vraiment du recrutement. Je vois dans le recrutement de Jumbo-Visma, donc un recrutement pour leur faire passer le palier qui pourrait leur permettre de gagner, pas un grand tour, mais le Tour de France, hein. Alors que Team Ineos, bon, mais Carapaz, c'est pour gagner autre chose que le Tour de France. Et après, ils vont chercher quand même des très très jeunes coureurs. Parfois, on dit pour faire plaisir à tel ou tel leader. C'est quand même un sacré pari que fait la Ineos d'aller chercher un jeune de 18 ans. Parce qu'il y a la mode depuis Evenepoel, et avec Pogacar et Hirschi qui font de super performances, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher pour tout le monde. Hein. La Sky et donc maintenant Ineos, ils en ont broyé des jeunes coureurs aussi. Oui, bah on a bien vu par exemple à Moscone qui avait très bien commencé avant un peu finalement presque de rentrer dans le rang. Là, cette année, ils ont recruté donc Carlos Rodriguez, un jeune directement issu des juniors, hein, un jeune espagnol très très brillant chez les juniors. Maintenant, il n'avait pas Il non plus, arrivera. Rivera, il a rien niveau professionnel. Non, c'est vraiment là, c'est plus, je pense, pour mettre en confiance Egan Bernal. Après, voilà, on oui, a... mais tu le mets sur le Tour de France après ou sur le Giro? Ouais, ça fait quoi? Parce que qu'il soit dans la même équipe ou pas. Non mais par contre, ok, l'environnement d'un coureur est très important, ça je reviens pas dessus. Mais Rivera fait partie de l'équipe pro. S'il fait partie de l'équipe pro, c'est pour courir avec Bernal alors. Logique. Mais vous le mettez sur le World Tour, Rivera? Je ne pense pas. Voilà, c'est quand même compliqué. Je pense qu'on le verra. Carlos Rodriguez à 18 ans. N'est pas Evenepoel qui veut, et encore Evenepoel, je rappelle que le premier World Tour qu'il a fait, c'est la Turquie qui a de World Tour que le nom. La Romandie, il a eu du mal, et c'est qu'à partir de la Classique à Saint-Sébastien, il a vraiment éclaté. Il en a très peu fait. Carlos Rodriguez, pas Evenepoel. Non, mais tu as raison, Benjamin, c'est clair. Mais bon, en fait, cette année, par exemple, chez Sky Ineos, on voit qu'il y a pas mal de coureurs de 22, 23, 24 ans qui n'ont pas encore eu tellement l'occasion de s'affirmer sur le World Tour, mais je pense qu'ils sont au stade de le faire. Bon, déjà Sivakov, Sosa, on les a déjà pas mal vus, mais bon, il reste les Dunbar, les Tao, même Narvaez, on l'a quasiment pas vu cette année, pourtant il a quand même le niveau pour venir faire du World Tour, donc je pense que tous ces coureurs-là vont un peu prendre un peu plus d'importance dans un rôle d'équipier, bien entendu, mais sur d'abord les petites courses. Et pour les grands tours, on va rester sur du classique, mais d'ici un ou deux ans, il y aura certainement un renouvellement de génération avec ces coureurs-là qui auront atteint les 25 ans et donc une espèce de maturité. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Donc, il y a quand même une logique de construction mais c'est vrai que Tours, on voit toujours vers les grands tours et principalement le Tour de France. Même si c'est un peu un autre sujet, mais tout à l'heure, tu disais, et c'était intéressant vraiment le team Ineos, ils visent vraiment le Tour de France et les grands tours tous les ans, c'est vraiment leur priorité. Et en fait, quand on voit tous leurs coureurs de classique sont devenus entre guillemets des grimpeurs ou quasiment. Bon, d'abord il y avait Greg Thomas, bon lui il est devenu un leader, mais il y avait Moscon, c'était aussi un classic man, Van Baarle et Hero, c'était aussi des super coureurs de Flandrienne. Et maintenant sur les Flandriennes, c'est devenu moins bon. Mais par contre en montagne, en début de montagne, ils sont quand même très très costauds. Et c'est assez fou comme évolution finalement. Et bon, personnellement, je préfère une équipe un peu plus complète qui vise un peu plus de courses comme la Jumbo Visma. Mmh. En toute objectivité. Bon, oui. Alors, mais c'est vrai que comment dire, l'avantage entre guillemets d'Ineos, c'est qu'ils ne vont pas se disperser dans différents objectifs. Eux, ce sera tout pour le maillot de leader du classement général. Après, je vois Manmi qui dit que est-ce qu'Ineos a terminé son recrutement? Ils sont que 26. En effet, c'est pas sûr. Il y a peut-être Juan Denis qui. Renan Nice n'a pas signé ailleurs, je sais plus. Ah, je suis perdu là. Pas encore. Il y a des rumeurs, mais. Ouais, non, mais ça fait un coureur. Mais encore une fois, un coureur comme ça, bon, qui grimpe, soit on le transforme pour aller dans le train à Ineos. Mais je pense que Juan Denis, ce qu'il va viser, c'est les Jeux Olympiques qu'on la montre. C'est par rapport à l'année 2020, puisqu'on parle de l'année 2020, hein, on est d'accord. Oui. C'est pas. Qu'est-ce que c'est que ce recrutement On sait que Ineos est capable de transformer les anglophones rouleurs en super rouleurs grimpeurs indoor NA, mais je sais pas. Je trouve que il y a une rupture avec les années précédentes chez Ineos. D'ailleurs, il y a un changement de sponsor aussi. Ça peut jouer. De toute façon, cette année 2019 était très particulière hein, à beaucoup de niveaux, hein, puisqu'on a eu des leaders qui sont vraiment troués, et puis des très jeunes qui ont éclaté à un niveau qu'on ne pensait pas forcément leur voir arriver dès leur première année pro. Voilà, alors Daniel, tu voulais rajouter une dernière chose, et ensuite on va conclure quand même, parce qu'on est en train de largement déborder. Okay, parce que chez Ineos, effectivement, il y a comme un changement de sponsor et une espèce de différence dans le recrutement. Moi, j'ai l'impression qu'ils s'internationalisent vachement en prenant des leaders de toute nationalité et que le côté britannique de l'équipe est vraiment en train de se perdre. Dès que Froome et Thomas ne seront plus là, le côté britannique, on n'en parle plus, en fait. Est-ce que vous avez aussi un peu ressenti ça? Complètement. Complètement, ouais, c'est carrément la fin d'un cycle chez Ineos. Alors à moins de retomber assez rapiment sur Peut-être même chez dans le cyclisme un jeune britannique. britannique quoi, mais qui percerait au plus haut niveau. Mais autrement, on va changer de. C'est la fin d'un cycle et on va changer de philosophie, je pense, On a le jeune du Thomas côté de ce Pitcock qu'on qui voit a montré des de chez choses, Bernal. mais lui, je crois qu'il ne veut pas aller chez Sky, hein, chez Ineos, pour l'instant. Non, mais on voit également un changement dans la manière de courir les tours. Le train Sky, justement, on en a pas mal parlé lors du Tour de France, qui n'y était plus. On a plus d'attaques et moins de courses, on va dire, stéréotypées. C'était peut-être peut-être dû aussi au fait que pendant les 2-3 dernières années, Chris Froome ne faisait plus aucun écart en montagne en fait par rapport à ses adversaires. Et là on avait avec Bernal par exemple un coureur capable de au moins de passer à l'offensive et de créer un écart, même si c'était un écart juste causé par son démarrage par exemple. Et je pense qu'aussi, c'est parce que, comme tu dis, il y avait Froome, Thomas, qui était peut-être les meilleurs grimpeurs du lot. Peut-être qu'un Thomas, parce qu'en 2018, je parle sur le Tour de France, c'était surtout sur le Tour de France, il y avait 10 jours de plaine ponctués par une course flandrienne, une étape de pavé. Ils étaient peut-être les plus forts, là. Maintenant, ça a changé, donc ils doivent changer leur fusil d'épaule un peu. Parce que s'ils mènent, imaginons, Tom Dumoulin qui est Roglic qui est plus fort que bon Bernal, je ne sais pas, mais que Froome. Tu fais le train Ineos là et tu te retrouves battu au 100 000 ou à égalité. Et t'as Froome qui se retrouve avec 10 secondes d'avance ou de retard au matin du contre-la-montre. Là t'es couillonné parce que t'as assumé toute la course tout seul. Et c'est pour ça que moi je pense que le petit train il sera peut-être jaune cette année. Il sera peut-être plutôt jaune. Ah ben justement, ça nous permet de faire une bonne transition vers notre conclusion, hein, parce que là on est à plus de 40 minutes d'émission, les enfants, donc il faudrait peut-être penser à terminer. Donc je vais vous demander finalement à chacun d'entre vous si vous voyez voilà une de ces deux équipes prendre l'ascendant sur l'autre l'année prochaine. Si oui, laquelle? Et ça veut dire quoi prendre l'ascendant sur l'autre? Faut être C'est-à-dire précis. voilà laquelle. Gagner le tour, c'est Allez, tout, voilà, c'est là, les allez. gens foutent. Finalement, oui, presque, puisque finalement les deux autres tours sont presque secondaires dans leurs objectifs. Est-ce que vous voyez une équipe qui va prendre en main les opérations, on va dire, sur le Tour de France et laquelle l'emporter? Et est-ce que vous considérez finalement le fait d'avoir se retrouver avec deux armadas, c'est peut-être mieux que d'en avoir plus qu'une, comme on en avait finalement dans le passé? Est-ce que c'est une bonne chose pour le cyclisme en général aussi? Voilà, donc je file la patate chaude d'abord à Grégory pour sa petite réflexion là-dessus. Déjà, pour moi, c'est quand même une bonne chose qu'il y ait un contrepoids, on va dire, au pouvoir qui était en place depuis des années et des années. Et bah, par ça, je dirais que je verrais Jumbo-Visma prendre les opérations en main sur le Tour de France. Cela étant dit, selon la participation qu'on aura au tour, même s'ils prennent les choses en main, je ne suis pas forcément certain qu'ils remporteront quand même la mise. Donc, faudra voir. Faudra voir s'il n'y aura pas des courses, si Ineos ne courra pas à l'offensive pour une fois, contrairement à ce qu'ils nous ont montré ces dernières années. Daniel? Ouais, effectivement, je pense que cette concurrence va inciter Ineos à revoir un peu sa copie et son attitude en course. Je pense que les deux équipes ont les moyens de remporter le Giro et le Tour cette année, mais disons que vous verrez bien Ineos remporter le Giro et Jumbo remporter le Tour. Peut-être ou peut-être pas en fonction des concurrents, c'est vrai, comme l'a dit Grégory. Mais en tout cas, je pense que sur le Tour, Jumbo prendra l'ascendant sur Ineos cette année. C'est ton pari pour cette année. Très bien. Ben? Benjamin? Pardon, pardon, désolé, j'ai Oui. écouté. Quand la Sky a le coureur le plus fort, c'est toujours le tableau blanc. Mais je me souviens également que de nombreuses courses, quand ils ont pas le. Quand ils se font un peu bouger, souvent on dit qu'ils savent pas courir. Ils font n'importe quoi. Du coup, avec une team Jumbo-Visma qui pour moi, psychologiquement, je pense, est en dessous de Ineos, parce qu'Ineos c'est quand même ceux qui gagnent le Tour de France, hormis en 2014 depuis tant d'années. On part du principe qu'il n'y a pas de blessure. Ah oui, bien sûr. Je pense que ça va être compliqué. Il y a Team Jumbo-Visma qui va essayer de tout faire pour être au-dessus, prendre un ascendant mental sur la Team Ineos pendant le début de la saison. Et je pense que Visma fera une meilleure saison globale que Ineos. Si Bernal est sur le Giro, je pense que Bernal gagnera le Giro. Mais dans ce cas-là, je ne vois pas Ineos gagner le tour. Et je dirais même que je vois pas. En fait, je réviserai peut-être mon jugement si Bernal arrive frais comme un gardon au puits du Tour de France, mais je ne vois ni l'une ni l'autre équipe remporter le Tour de France. Je vois Voilà. une belle explosion commune. Je pense que je devine le vainqueur idéal pour toi sur cette édition du Tour 2020. Ouais, pour moi, c'est. Ouais, voilà, oui. De toute façon, Quelqu'un je qui le a montré dirai. déjà qu'il pouvait les battre aussi bien les uns que les autres. On Je dirait pense qu'il bientôt pourrait il y aura bien, une je pense émission qu'il sur son pourrait vraiment équipe. profiter. Non, mais je pense qu'il pourrait vraiment profiter d'un marquage. S'il a le niveau de l'an dernier, Thibaut Pinot, un peu à la Jan Ullrich à la Volta 1999, quand les grimpeurs espagnols, plutôt que de s'allier, se tiraient dans les pattes. Je crois qu'il y a une véritable opportunité à tirer. Après, c'est du papier. On est en novembre, là on parle. Peut-être qu'on arrivera en juillet, on fera, mais qu'est-ce qu'on a dit? Mais voilà, c'est mon opinion. Et après, c'est une saison très difficile à lire. On est à la croisée de chemin entre les jeunes très très forts, des coureurs qui ont fait des saisons blanches. Et encore une fois, c'est une année où les Jeux Olympiques sont très durs. Ça arrivera pas toutes les années. On ne sait pas trop les programmes des coureurs, tout ça. Très compliqué à pronostiquer. Voilà. Greg? Ben moi, enfin, voilà. Si, enfin, moi, je pense que la priorité pour Ineos, ça va être le Tour de France. Ils vont mettre Bernal. Et je pense qu'il va être difficile à battre. Malgré la supériorité collective, je vois une équipe. Moi, je vois le petit train jaune, hein, je le vois bien. Mais je pense que Bernal est, enfin, à 100%, il est trop fort. Surtout vu le profil, les profils du Tour de France, sans contre-la-montre où il perd du temps, comme on l'a vu cette année, il va être très très dur à battre. Je n'ai oublié Et toi, personne. Max? Si, toi. Et toi, tu t'es Oui, allez. oublié. Le Tour de France cette année va être particulier. C'est vrai que déjà, il n'y a pas de contre-la-montre par équipe non plus. Et c'est quand même une épreuve dans laquelle les deux équipes sont plutôt à l'aise. Je pense que, comme vous, je vois bien la Jumbo est tentée de prendre l'ascendant, enfin, en tout cas de prendre en main les opérations, ne serait-ce que voilà, pour essayer de bousculer psychologiquement Ineos. Ineos s'en accommodait assez bien finalement. Ensuite, l'explication sera vraiment entre les leaders. Et bon, j'ai tendance à penser que Bernal, avec encore un an de plus, sera très très difficile à prendre. Voilà. Et par contre, je vais rejoindre quand même un peu Benjamin sur un dernier point, c'est que du coup, ces deux équipes vont peut-être être un peu sur la défensive et ça pourrait peut-être permettre à voilà un troisième larron de pouvoir tirer les marrons du feu. Voilà, c'est tout ce que je souhaite, moi, Ah qu'on non, ait mais un j'ai petit. pas dit qu'ils seraient forcément sur la défensive. Hein. Ah non, Je pense qu'ils mais. peuvent très offensifs et se courir tous les deux. Tu vois, Ils s'il y peuvent a se un pourrir, Jumbo-Visma voilà, qui bouge, voilà. à Et force de au trop final. voilà, se focaliser l'un sur l'autre, on va dire. C'est ça. Et permettre finalement, un peu Ben comme qui dit Carabas a gagné Charles le. parie sur porte comme troisième larron. C'est vrai. Il nous l'a dit enfin hors antenne, lui, il met sur Richie-Porte. Voilà, bah après tout, qui voyait Carapaz gagner le Giro l'année dernière, hein, à part peut-être À part sa à famille. part sa famille et puis quelques forumers quand même sur VCN qui le suivent depuis longtemps, mais c'est vrai que voilà, il n'était pas du tout donné parmi les grands favoris, hein, et il a réussi à bénéficier, on va dire, de la surveillance entre Nibali et Roglic principalement. Bon, pourquoi pas imaginer quelque chose comme ça aussi sur le Tour de France? Bien, bah écoutez, je crois qu'on a essayé de faire au mieux le tour de la question contenue en plus des circonstances un peu particulières de cette émission, qui n'était pas du tout prévue en direct. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et puis également merci pour ceux qui nous réécouteront un peu plus tard. Hein, on essaiera de faire les choses en bonne et due forme pour la prochaine fois. Voilà, d'ici là, on se retrouvera très bientôt pour encore d'autres pastilles d'intersaison. On reviendra notamment aussi sur encore la dernière équipe française, je crois, qui n'a pas été passée en revue, à savoir la FDJ. Voilà, entre-temps, ben, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Salut, salut, ciao.